on est content. Finalement, dès que l'on part en voyage, on prend quand même l'autoroute à péage. Mais finalement, tout le monde est content, on a ce qu'on a. Mais on ne sait pas où l'on va, on se dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera. Et tout le monde est content. Finalement, on a le sens de l'honneur, on salue dès que monte les couleurs. Et l'on est fier de nos monuments, on a ce qu'on a. Mais on ne sait pas où l'on va, on se dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera. Et tout le monde est content. Il y a toujours des hirondelles au printemps, du bon vin et des vaches dans les champs. Et l'on fait toujours de beaux enfants, on a ce qu'on a. Mais on ne sait pas où l'on va, on se dit qu'il arrivera ce qu'il arrivera. Et tout le monde est content. Finalement, on a tous une voiture, une maison de maître de verdure. Et finalement, tout le monde est content. On a ce qu'on a, mais on ne sait pas.